Éphésiens chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme ses chers enfants, et marchez dans la charité, ainsi que Christ aussi nous a aimés, et s'est donné lui-même pour nous en oblation et sacrifice à Dieu, en odeur de bonne senteur. Que ni la fornication, ni aucune souillure, ni l'avarice, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il est convenable à des saints, ni aucune chose déshonnête, ni parole folle, ni plaisanterie, car ce sont là des choses qui ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, que nul fornicateur, ni impur, ni avare, qui est un idolâtre, n'a point d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les rebelles. Ne soyez donc point leurs associés. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière au Seigneur, conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'Esprit consiste en toute bonté, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et ne communiquez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire reprenez-les. Car il est même déshonnête de dire les choses qu'ils font en secret. Mais toutes choses étant mises en évidence par la lumière, sont rendues manifestes. Car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde comment vous vous conduirez soigneusement, non point comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez point sans prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez point du vin, dans lequel il y a de la dissolution. Mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des cantiques et des chansons spirituelles, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, vous soumettant les uns aux autres, en la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et il est aussi le sauveur de son corps. Comme donc l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient de même à leur mari, en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau, et par sa parole, afin qu'il se la rendît une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Les maris donc doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme, s'aime soi-même. Car personne n'a jamais eu en haine sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur entretient l'Église. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair, et de ses os. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et il s'unira à sa femme, et les deux seront une même chair. Ce mystère est grand, or je parle de Christ et de l'Église. Que chacun de vous aime donc sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari.